J'ai mon gun dans une main et ma fierté dans l'autre. Je me crois un héros comme un 13e apôtre envoyé au combat pour des soi-disant raisons, des explications qui ne reflètent pas les symboles de la nation. Mais je me rends compte après ces jours passés au front que notre présence est due à des dieux mais en quête de mention, de soif de pouvoir de nos beaux dirigeants, des envies d'être et avoir qui le reflètent tellement. C'est pas le public qui applaudit, c'est le discours qui a menti, pas le président qu'il faut changer mais le système tout entier. De gauche à droite et du centre à l'extrême, du pareil au même, c'est le même système. Parle-moi fort car on est sur écoute. T.S. en ligne de mire, sur moi ils ont des doutes. Ils vont bien voir de façon que je suis pas prêt de stopper, pas prêt d'arrêter, surtout pas de rapper. Ils n'aiment pas car je balance leur vérité. Je refais l'histoire avec ce qui s'est vraiment passé. On va dire de m'occuper de mes affaires, va te faire foutre, je suis en banque de repères. Un manque de repères. Un manque de repères. Un manque de repères. Un manque de repères dans l'histoire du temps. Un manque de repères. Un manque de repères dans l'histoire du temps. Un manque de repères, mon frère. Un manque de repères. On se fait tous enculer sur le bis, ils ont la main. L'État est un violeur qui nous prend tous un par un. Nous prennent pour des enfants, nous disent qu'il faut pas faire. Et derrière notre dos font des pattes avec l'enfer. Ils prônent que les armes sont illégales, mais en font un business, tout comme la cam. Interdisent les pétards, mais nous vendent des grandes loups. Sont eux les racailles, ce sont eux les grands oufs. C'est un son coup de poing pour que tu ouvres les yeux. Qu'on prenne notre vie en main, qu'on ne dépende pas d'eux. La France a dit non à la constitution européenne. Personne ne le sait, mais ils l'ont passé quand même. Sous un nouveau nom, le nouvel ordre mondial. Ils nous prennent pour des cons, c'est de la propagande légale. Propagande légale. En manque de repères. En manque de repères. En manque de repères. En manque de repères dans l'histoire du temps. Ok. En manque de repères, mon frère. En manque de repères. En manque de repères, c'est la propagande légale. Yeah.